Bah merci déjà aux organisateurs pour cette journée avec une belle thématique. Et je vais aussi vous parler de CopCycle, mais dans une autre perspective, plus micro, puisque je vais plus rentrer dans le réseau et vous parler à partir d'une étude de cas que j'ai faite l'année passée à Barcelone dans la coopérative qui s'appelle Mansacas. Donc Mansacas, c'est une douzaine de livreuses et de livreurs au profil assez hétérogène, avec d'anciens livreurs des plateformes, des coursiers professionnels qui sont coursiers depuis de nombreuses années, et aussi des personnes qui entrent, donc c'est la première expérience professionnelle. Mais Mansacas s'organise autour d'un noyau dur qui comporte une douzaine de personnes, même s'il y a un certain turnover, ce qui est aussi une question qu'on va relever par la suite. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas forcément du lien entre la résistance et les alternatives, comment est-ce que les collectifs protestataires se sont mués en collectifs de travail, mais plutôt d'entrer un petit peu dans la boîte noire de l'alternative, de questionner un petit peu comment est-ce qu'il y a vraiment rupture et à quel endroit il y a rupture, et puis comment cette discontinuité organisationnelle elle s'articule aussi avec certaines permanences et soulève certains défis du coopérativisme de plateforme à un niveau organisationnel. Juste pour situer d'où je parle, l'an dernier j'étais donc post-doctorant, je ne suis plus à la Casa Velázquez, mais j'ai été bien l'an dernier, et donc c'est dans ce cadre-là que je suis entré en contact avec Mansacas, qui m'a accueilli en fait, qui m'a accueilli dans son équipe pendant près d'un an, où j'ai été coursier pendant 2-3 jours par semaine, en échange d'un accès privilégié à la coopérative, voilà, et puis je me suis fondu dans l'équipe, et c'était vraiment une chouette expérience à titre personnel. Et c'est aussi une méthode d'observation participante, voire même une participation observante, qui m'a permis d'éviter une recherche trop extractiviste, et qui m'a aussi permis de faire des entretiens et des récits de vie que j'aurais sûrement pas pu faire sans ces mois passés à leur côté. À côté de cette observation, donc de cette immersion, j'ai pu circuler dans la fédération CoopCycle, dans plusieurs coopératives, notamment la coopérative de la Pajara à Madrid, qui aujourd'hui a fermé ses portes, et également la coopérative Erraman, située à Vitoria-Gasteiz, et enfin, pour des raisons biographiques personnelles, les coursiers Rennais à Rennes, avec qui je vais sûrement aussi travailler. Je vais vous présenter, donc voici les Mansacas. Donc l'équipe telle qu'elle était constituée, en tout cas son noyau dur l'année passée, et le local avec les vélos cargos, donc c'est de ça dont on parle concrètement quand on parle de livraison à vélo, puisqu'en fait on parle principalement dans le monde des coopératives de livraison à vélo, on parle surtout de cyclo-logistique, donc de transport de marchandises pour le compte d'autrui avec des vélos, avec des plateformes, ou avec des remorques, ou avec différents types de dispositifs pour transporter des colis. Dans une première partie, je vais interroger qu'est-ce qui fait rupture avec les plateformes capitalistes. Ce que moi je propose d'appeler les méga-plateformes, puisque je ne suis pas forcément convaincu par le terme des lean-plateformes, des plateformes allégées parce qu'elles n'ont pas d'actifs. Je trouve au contraire que ce sont des plateformes qui sont tentaculaires et donc on gagne à souligner leur caractère massif, puisqu'elles se multiplient et elles sont présentes partout. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre en contraste les modèles économiques, organisationnels, les régimes d'emploi, et enfin de resserrer la focale sur moi ce que j'ai observé au niveau des conditions de travail, du travail réel tel qu'il se déroule, des process de travail, et donc de resserrer au fur et à mesure la focale. Premièrement, donc là je vais passer assez vite parce que c'est pas une grande découverte, mais c'est toujours intéressant de mettre en regard d'un côté le data-driven business des méga-plateformes avec le modèle économique de ce qu'on appelle aussi, et moi j'aime bien aussi cette expression, les contre-plateformes, pour bien souligner leur dimension conflictuelle et oppositionnelle. Donc le data-driven business, juste pour rappel, se repose sur une double logique de rente, une rente de transaction, puisqu'il y a une commission prélevée sur chaque transaction, et une deuxième rente qui est la rente d'extraction des données, qui sont prélevés à la fois sur les riders, les coursiers, et à la fois les données des clients. Tout ça pourquoi ? Pour accumuler des montagnes de données, pour ensuite spéculer dessus, et permettre à ce que des capitaux risques abondent sans cesse à ce modèle qui, en fait, est un bateau qui prend l'eau en permanence, puisque puisque Deliveroo, par exemple, c'est 30 milliards de pertes, 30 millions pardon, de pertes en 2022. Ce qui est aussi intéressant de souligner dans ce modèle du data-driven business, c'est que on a donc, en fait, c'est pas, hein, on les décrit souvent comme des triangles, donc entre les clients, la plateforme et le travailleur ubérisé ou la travailleuse, mais en l'occurrence, je pense plutôt que ce sont des quadrilatères, parce qu'on oublie souvent qu'il y a des investisseurs derrière. Et ces investisseurs, on pourrait même dire qu'il y a des investisseurs de premier degré, donc ceux qui investissent les capitaux risques, et puis il y a aussi des investisseurs de second degré, ceux dont on a parlé hier avec Charles, qui sont les investisseurs, qui sont les États en fait, tout simplement, qui laissent prospérer ces zones grises. Puisque sans les zones grises, par exemple du statut de micro-entrepreneur en France, il n'y a pas d'implantation de plateforme possible. Donc là, ça me permet ensuite de passer au modèle alternatif, aux plateformes coopératives, puisque les détracteurs de ces plateformes pourront nous dire « Mais oui, mais au fond, regardez ces plateformes, si on regarde bien, elles sont sous perfusion d'argent public et si on coupe cet argent public, eh ben, elles ne peuvent pas survivre. » Mais en fait, il y a une sorte de symétrie, puisque effectivement, il y a beaucoup de programmes de financement public ou des marchés publics ou des commandes publiques. Mais cette action publique s'inscrit dans des stratégies d'intercoopération. Si on prend le cas de Mansakas, cette intercoopération, elle se traduit à différentes échelles. Donc c'est un des principes fondateurs hein, des coopératives, le fait que les coopératives coopèrent entre elles, mais pas seulement les coopératives. Donc quand on regarde le cas barcelonais, ce qu'on voit, c'est que d'abord, à l'échelle locale, Mansakas s'inscrit dans tout un écosystème coopératif, par exemple le Coopolis, qui est une coopérative de coopératives, si vous voulez. Elle s'inscrit aussi, elle commerce avec des groupes de commerçants, de restaurants locaux, du quartier dans lequel est implanté le micro-hub de Mansakas. Tout un tas d'autres initiatives que je ne détaille pas qui sont locales. Il y a également aussi une capacité à mobiliser des ressources institutionnelles au niveau de la municipalité barcelonaise, au niveau du gouvernement catalan et, a fortiori, au niveau de l'État espagnol. Alors, ces financements, ça se traduit soit très concrètement par la participation à des marchés publics, soit par la réponse à des programmes d'action publique et sociale. J'entre pas dans les détails, mais ça permet à la coopérative de créer des emplois, en fait, par exemple pour des personnes qui ont un parcours migratoire et donc par exemple d'embaucher des personnes qui viennent du Mexique ou d'Amérique du Sud pour ensuite, en fait c'est des programmes d'intégration tout simplement. Autre niveau d'intercoopération, c'est l'échelle régionale puisque Mansakas ne fait pas seulement partie de CoopCycle mais aussi d'une coopérative de second degré, qu'on appelle ça comme ça en Espagne, qui s'appelle Somme Coloristicas et qui en fait fédère les autres coopératives locales à l'échelle du bassin barcelonais, si vous voulez, dont certaines font aussi partie de CoopCycle, qui est l'échelle transnationale de la coopération dont vient de parler Vangelis, donc sur laquelle je ne vais pas entrer dans le détail, mais CoopCycle joue un rôle essentiel dans le caractère alternatif dans la transformation du travail, dans la réappropriation plutôt du travail de livraison, parce que cette réappropriation, elle passe pas uniquement par le fait d'acheter ensemble, de mutualiser des achats de vélos cargo qui coûtent jusqu'à 7-8 000 euros. Elle passe pas non plus juste par le fait de louer un local ensemble. Elle passe surtout par le fait de maîtriser, de contrôler l'application. Qui a été détaillé par Vangelis avant. Donc juste pour résumer, donc CoopCycle met à disposition l'application et plein d'autres choses, mais surtout l'application en échange d'une contribution proportionnelle à hauteur de 2,5% de la valeur ajoutée. Et là, il est important de souligner que dans cette application que je vous présente, voici l'interface dispatcher, l'interface coursier, il n'y a pas l'interface client, que l'application n'exploite pas les données des clients et donc que ça, c'est un point de contraste majeur avec le data-driven business. Et ça nous conduit au deuxième point qui est le modèle organisationnel. Et donc, si on continue sur notre contraste, on voit que d'un côté, on a ce qu'on appelle le panoptique ou le management algorithmique qui distribue automatiquement les tâches aux coursiers. et qui s'inscrit dans une division du travail capitaliste classique, avec des intérêts antagonistes entre les investisseurs, les managers, qui font partie de ce qu'on appelle la classe d'encadrement, et les riders, qui mettent leur force de travail à disposition. Et bien là, grâce à cette application, on a une organisation du travail qui est radicalement différente. Parce que, premièrement, la distribution n'est plus automatique, mais elle est manuelle, ce qui suppose donc qu'il faut ce qu'on appelle des dispatchers. Et les dispatchers, leur mission, c'est donc d'attribuer les colis, les livraisons plutôt, à chaque rider, donc de tracer les routes que vous voyez à l'écran. Et qu'ensuite, le coursier va retrouver sur son interface pour aller livrer, tout simplement. Alors, ce qui est... qui dit dispatcher dit compétence géographique, parce qu'il faut une expérience de terrain, ça ne s'improvise pas de devenir dispatcher. Par exemple, là, je me souviens qu'un mardi ou un mercredi classique, les grosses journées de livraison, c'était à peu près 200 colis peut-être à livrer dans la journée, à l'échelle d'une ville comme Barcelone. Donc c'est conséquent comme travail et c'est assez complexe. Ça suppose donc une forte expérience de terrain. Et ça suppose une connaissance topographique de la ville, parce que pour ceux qui étaient envoyés dans ce qu'on appelle chez les Manzacas le Mordor, c'est-à-dire les quartiers les plus éloignés et les plus hauts de la ville, c'est pas juste la distance géographique qui compte, c'est aussi la topographie. Ça suppose aussi de connaître l'état de fatigue de son équipe, de savoir que la veille s'il a plu, qu'il y a eu du vent, ou de savoir que si la personne était malade peut-être, peut-être qu'elle va moins livrer aujourd'hui, que ce sera un autre compagnolo qui va s'en charger. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer sur le terrain, c'est vraiment une individualisation du travail qui n'existe pas dans les plateformes, ce dont je peux témoigner puisque j'étais coursier pendant plusieurs années, et que l'algorithme n'a pas d'état d'âme, alors que là, évidemment, il y a un ajustement. On va mettre plus de colis, par exemple, ce que je vais vous montrer après, pour certains coursiers qui sont capables de les convoyer, et on va envoyer plus loin d'autres qui vont être plus véloces, etc. Cette figure du dispatcher, en l'occurrence c'était plutôt une dispatcheuse, et il y avait aussi un dispatcher, s'inscrit dans une division du travail, bien sûr, une division du travail qui s'auto-définit comme anti-hiérarchique. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de dynamique de leadership, ce sur quoi je vais revenir ensuite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une rotation des tâches qui, chez Manzacas, c'était quand même relativement faible, et ça, il faut bien le souligner. Si en principe tout le monde peut être dispatcher, et c'est le cas dans certaines coopératives, dans les faits, c'est plutôt rare. Mais toujours est-il que les coursiers n'obéissent plus à un algorithme, mais qu'ils organisent eux-mêmes leur route, ce qui suppose donc de développer tout un tas de compétences. Compétences pas seulement de livrer d'un point A à un point B, comme quand on est rider par exemple pour Deliveroo ou Uber. Ça suppose en fait de s'organiser soit, de choisir soi-même sa route. Donc je peux vous garantir que les premiers jours, quand on se retrouve pour charger son vélo et faire sa route, c'est pas si simple que ça en fait. Parce qu'il ne faut pas mettre le premier colis tout en bas du cargo, parce que sinon il faut tout décharger à chaque fois. Donc il y a tout un travail de manutention, un travail, ce que Thibaut Tranchant appelle un travail de déplacement, donc qui vraiment en fait c'est la partie physiquement la plus importante du travail en fait. Paradoxalement, quand on fait du dernier kilomètre, la partie cycliste de l'activité est la partie la plus détente, on va dire. Et donc, les coursiers sont libres de faire comme bon leur semble, en fait. Tant que les colis sont livrés à l'heure, donc ça, c'est un point commun aussi avec le monde de la livraison, même si, et là, il faut bien le souligner, le dispatch encadre les choses. C'est-à-dire qu'il distribue des consignes, donc d'arriver à l'heure, de sortir avec un casque. Et il y a aussi des rappels à l'ordre, parfois des félicitations à l'équipe. Mais ce qui est très intéressant de souligner, c'est qu'il n'y a pas d'incitation à aller plus vite. Que quand vous êtes sur la route, vous êtes sur la route, la priorité c'est d'arriver sain et sauf. Il n'y a pas d'incitation à en faire plus, parce qu'en fait il y a un rapport collectif au travail. Et ça c'est très important de le souligner. Il n'y a plus de mise en concurrence comme ça se pratique à travers l'algorithme, mais il y a bien un rapport collectif avec des incitations même à s'entraider, ce qui peut paraître un petit peu iréniste, de dire oui, bon alors va aider ton compagnero si jamais il est en difficulté ou si tu n'as pas fini. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on observe sur le terrain et c'est une pratique quotidienne en fait. À savoir que les premiers qui finissent, c'est pas fini parti, c'est j'ai fini mais je vais aider ensuite pour qu'il ne reste plus aucun colis à la fin de la journée. Idem quand, en cas de crevaison. C'est pas, il est fréquent que quand vous crevez, en fait, c'est une autre personne qui va venir tout de suite vous aider pour vous dépanner. Ça, c'était au niveau de l'organisation du travail pour montrer que cette organisation anti-hiérarchique, eh bien, elle rompt radicalement avec l'organisation des méga-plateformes. Autre point de rupture, les régimes d'emploi, les statuts et les rémunérations. Alors, la rémunération n'est plus indexée sur des indicateurs de performance individuelle comme c'est le cas dans les méga-plateformes, mais elle repose sur un schéma de saccage, en tout cas, sur un principe d'égalité salariale. Principe d'égalité salariale qui est pondéré par un salaire 5% plus élevé pour les femmes, en réparation des inégalités de départ, en réparation aussi de tout ce que subissent les femmes dans un métier de rue, donc des choses que je n'ai pas pu évidemment observer moi-même, mais qui m'ont été comptées maintes et maintes fois. À travers ce statut salarial, on observe donc une resocialisation du travail, donc congés payés, chômage, vacances, etc., tout ce à quoi n'ont pas droit les travailleurs ubérisés, même si le salaire reste modeste, et ça il faut aussi bien le souligner, puisque le salaire est indexé sur le salaire minimum espagnol, donc un peu plus de 1000 euros. Ce qui me conduit dans un dernier temps et donc à interroger cette indexation sur le salaire, c'est ça qui est important de souligner. Enfin, je vais y revenir après. Ce qui me conduit à interroger donc au-delà de ces statuts que l'on pourrait très bien observer à travers des documents administratifs, par exemple, les conditions effectives de travail. Est-ce que la mise en coopérative, est-ce qu'elle est synonyme d'amélioration ou de dégradation des conditions matérielles d'existence? Et ça sera mon quatrième point sur une approche plus par le contenu du travail comme activité. Et ce qu'on observe, c'est que, en fait, certes, il y a rupture, mais il y a d'un côté aussi une densification du travail, une densification de l'activité qui comporte en fait un risque d'intensification. Alors, densification d'une part, puisque la coopérative est en fait un peu un site, un espace où se déploie, où s'acquiert de nouvelles compétences, pour accomplir des tâches commerciales, aller vendre à la coopérative, aller négocier, des tâches administratives, de prévention du risque au travail par exemple, des tâches juridiques, de recrutement. Faire partie de la coopérative, c'est aussi recruter des gens, de potentielles personnes qui vont coopérateurs. Bref, tout un ensemble de savoir-faire, de savoir tout court. Donc, cette densification, elle suppose, elle amorce en fait un processus de professionnalisation. Et ça, c'est une rupture radicale avec les plateformes. C'est plus le petit jeune qui a envie d'être sur son vélo et qui aime bien faire du vélo à ses heures perdues, ou c'est plus un hobby. Non, c'est un métier à part entière. Et donc, c'est une rupture avec la déqualification et la fragmentation du travail. Ce qui prévaut et ce qui a été détaillé hier par Luna pour les travailleurs de bout de chaîne, évidemment, pas pour les managers. Mais cette densification de l'activité, qui la rend aussi attrayante en fait, puisque par exemple préparer des dossiers pour aller chercher des subventions ou organiser des assemblées ou aller négocier des contrats commerciaux, ça passionne pas mal de coursiers, elle comporte le risque d'intensifier le travail. Et le travail ne devient pas moins intense, et bien au contraire en fait, parce qu'on a un engagement qui va bien au-delà du travail prescrit. Avec ce risque de surinvestissement, ce risque, ce qu'on appelle, le terme circule dans la coopérative, l'auto-exploitation, terme vivement rejeté par la présidente de la coopérative, ce qui est aussi significatif qu'il met le doigt sur quelque chose. Ça se traduit également, ce surinvestissement, enfin cette tendance en tout cas, par une disponibilité temporelle qui n'est plus liée à l'algorithme. On sait, on voit dans la rue que l'algorithme immobilise des flottes entières de coursiers qui attendent, en fait. Et bien là, il y a aussi, parfois, une disponibilité temporelle accrue du fait, par exemple, des shifts qui sont positionnés en début de journée et en fin de journée. Et donc, entre les deux, et bien, il faut attendre au local. Alors, c'est sympa, on mange avec les collègues, on prend du temps pour soi. C'est un temps de reprise de soi. Mais c'est aussi, parfois, un temps qui est subi. Alors, certes, on observe un rapport qui n'est plus un rapport purement instrumental au travail, qui n'est plus un rapport qui s'inscrit dans une économie de subsistance comme c'est le cas dans les méga-plateformes. On a un rapport qui est plus expressif au travail, qui peut même devenir support d'engagement politique, ce sur quoi je vais revenir après. Mais il faut faire attention, il faut aussi bien regarder les choses en face. Et c'est par exemple ce que j'ai pu voir sur le terrain. Il y avait une visite du président de Coop Cycle, qui fait partie d'une autre coopérative espagnole, qui venait dans le cadre d'un programme européen financé par Erasmus+, encore de l'intercoopération. Et c'était un programme pour former les nouvelles recrues, en fait. Et donc, il y avait tout un atelier organisé autour de l'évaluation, de la perception du travail et de sa rémunération. Et très significatif qu'une immense majorité des personnes présentes estimaient que leur travail vaudrait au moins le double de ce qu'il était payé. Un autre point intéressant à soulever était que, en fait, il y avait énormément d'heures qui ne sont pas rémunérées et qui sont donc mises sous le compte de l'engagement bénévole au sein de la coopérative. Et ça nous conduit à quelque chose d'assez classique dans les études sur les coopératives, qui est le dilemme, le tiraillement des coopératives entre le projet politique et l'activité économique. Ce qu'on appelle au niveau individuel la double qualité des livreuses et livreurs associés. Un point de tension qui est récurrent dans les assemblées et qui pose la question de quel compromis on peut faire en fait entre le projet politique et la survie économique, la logique de rentabilité minimale à défaut de laquelle on ne peut pas en fait s'inscrire dans la longue durée. Et comment on fait en fait pour ne pas reproduire les temporalités capitalistes qui sont hégémoniques, hein, comme ça a été dit avant, et comment on fait aussi pour ne pas reproduire l'invisibilisation du travail reproductif, qui est le travail juste de nettoyage, qui suppose des compétences relationnelles pour gérer les conflits et qui souvent incombait chez Mantzakas à la partie féminine de l'équipe. Donc tout ça, c'est pas très nouveau finalement, c'est des difficultés, des obstacles qu'on observe dans n'importe quelle entreprise de livraison à vélo, qu'elle soit capitaliste ou pas en fait. Tous les imprévus qu'on peut rencontrer au quotidien. À la différence près que chez Mantzakas, comme chez les autres coopératives de CoopCycle, c'est géré collectivement dans les assemblées générales, donc bien connu, mais aussi de manière plus informelle. Très important de garder en tête qu'il y a un degré de formalisation très variable en fait des prises de décision collectives. En général, l'assemblée n'est là que pour acter, valider ce qui a été décidé la veille au soir, pendant un apéro qui parfois se prolonge tard dans la nuit, mais qui a été vraiment véritablement discuté. Voilà ce que j'avais à dire sur Mantzakas, et maintenant je vais un petit peu dézoomer, parce que Mantzakas, finalement, c'est un cas d'étude critique. Cas d'étude critique au sens où, en fait, si vous voulez, c'est vraiment la coopérative de livraison militante par excellence. C'est là où le lien, et j'ai oublié de vous le dire en introduction, que Mantzakas vient de la plateforme Rider por Derechos, qui a en fait permis que soit votée, que soit préparée et votée la loi Rider en Espagne, qui est la seule loi de régulation du secteur de la livraison en Europe. Et le noyau fondateur de Mantzakas, en fait, c'est Rider por Derechos. Et il continue d'ailleurs d'être plus ou moins actif. Et donc, Mantzakas, c'est vraiment, a d'ailleurs cette réputation au sein de CoopCycle d'être une coopérative très militante, très affûtée sur toutes les questions de genre, les questions politiques, avec un discours extrêmement politisé, un discours interne, des débats internes d'un niveau politique qui est remarquable. Alors la question qui se pose maintenant, si on dézoome pour éviter d'avoir une perspective un peu homogénéisante, c'est peut-être un reproche moi, que je ferais un peu parfois à la littérature qui s'est développée et qui a vu émerger ce coopérativisme de plateforme, c'est d'avoir un regard très homogénéisant en disant « ça y est, bon, bah voilà, c'est bon, ça va réencastrer le marché, ça va produire du commun, ça va resocialiser le travail ». Oui, mais concrètement, l'utopie, c'est un terme émique d'ailleurs qui circule dans la coopérative. Le chemin de l'utopie, il est semé d'embûches. Enfin, il n'est pas du tout linéaire. Et la question qui se pose donc, que je voudrais adresser pour conclure, c'est comment ces coopératives gèrent cette dualité, ce tiraillement entre l'activité politique et économique. Ce serait un petit peu, si vous voulez, la concrétisation plurielle de l'utopie. Alors, pour ce faire, j'ai essayé de construire une typologie des différentes coopératives que j'ai pu observer, donc qui est pour l'instant assez binaire, j'en suis désolé. Alors, pour situer d'où je parle, là, c'est mon point d'observation, ce sont les assemblées générales de CoopCycle, le canal virtuel par lequel il y a des conversations quotidiennes, donc le Slack, et puis aussi des entretiens que j'ai faits et des visites avec des personnes qui travaillent, qui sont multipositionnées entre la fédération CoopCycle et des coopératives. Donc l'Assemblée Générale, c'est super intéressant. Par exemple, cette année, c'était à Grenoble, c'était une semaine d'atelier avec suivi d'une phase de prise de décision collective. Mais j'ai trouvé que, en fait, ça m'a permis de. Comment dire? En sociologie des mouvements sociaux, on dit souvent que les assemblées générales, ça sert en fait pas forcément à prendre des décisions. Ça sert en fait à plein d'autres choses, à déverser des émotions par exemple, ou ça sert aussi à désingulariser des expériences. Et j'ai trouvé que là, ça marchait bien, cette question de la désingularisation, parce que ça satisfait la condition d'homogénéité des intérêts. Ce sont que des coopératives de livraison à vélo qui en fait font la même chose, que ce soit à Metz, à Barcelone, ou même au Mexique. En fait, ils ont la même expérience quotidienne, quasiment, du travail en tout cas. Et donc cet espace d'assemblée générale, il permettait en fait de partager donc des informations sur les marchés publics, sur les tarifs, mais surtout en fait des expériences. Il y avait par exemple un atelier sur le burn-out. Comment on fait en fait? Et ça rejoint la question de l'auto-exploitation. Comment on fait pour ne pas arriver à saturation? Et ça permet, pour les chercheurs, ça permet d'observer également les différents profils qui sont en présence. Alors schématiquement, on a d'un côté ce que je vous disais avant, des coopératives qui sont plus militantes et des coopératives qui sont moins politisées a priori ou qui sont plus dans une logique entrepreneuriale. C'est aussi quelque chose qui a été développé par la littérature. Alors d'un côté, on a en fait des entrepreneurs de mobilisation comme Cheman Tsakas, qui se sont comportés comme entrepreneurs à travers Rider por Derechos, qui ont construit tout un mouvement partout en Espagne, qui était très puissant, et qui sont ensuite devenus des entrepreneurs de coopératives. Et donc, c'est-à-dire en fait des militants, entrepreneurs malgré eux ou malgré elles, finalement. Et de l'autre côté, on a des coursiers qui n'étaient pas spécialement militants, qui n'ont pas d'expérience politique, qu'elle soit partisane ou de politique de rue, et qui ont par contre subi les plateformes comme Uber, et qui donc ont vu dans la coopérative le moyen de poursuivre leur activité, mais par d'autres moyens, sous une forme coopérative, justement. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forme de segmentation entre d'un côté donc des coopératives qui mélangent les statuts d'indépendants et de salariés. Et d'ailleurs, j'ai inversé, je me rends compte, faut pas faire j'ai inversé en fait. Ça marche pas. Les coopératives militantes sont de l'autre côté et les entrepreneuriales sont. C'est inversé. Donc, on a les coopératives militantes ont recours au salariat précisément pour resocialiser le travail, tandis que dans les coopératives qui ont moins de racines militantes, eh bien, il y a à la fois des indépendants et des salariés. On observe aussi une segmentation entre les secteurs d'activité. On a d'un côté des coopératives qui vont faire de la livraison de repas, donc de la livraison instantanée, et de l'autre des coopératives qui vont faire du dernier kilomètre, donc de la livraison programmée. Et ça renvoie à différentes stratégies, hein, tout ça pour vous dire ça, à des stratégies d'un côté d'empiètement, d'aller chercher à rivaliser un petit peu avec les méga-plateformes sur leur terrain. C'est par exemple ce que fait Eraman à Vitoria-Gasteiz, dans une ville relativement petite, et qui arrive à damer le pion à Uber. Et on a d'autres stratégies, plus de contournement, de déplacement. On fait un pas de côté, on va aller chercher un secteur de niche, on va aller chercher des commerces locaux, l'ESS. On va aller chercher des restaurants qui n'ont pas été plateformisés par Uber. Et donc ça nous renvoie à deux stratégies différentes. Si par exemple on prend la typologie d'Erin Colling-White, qui est d'un côté une domestication plus éthique du capitalisme, on fait une alternative éthique, on moralise le capitalisme de plateforme, et de l'autre une stratégie qui est plus anticapitaliste. Et cette stratégie anticapitaliste, là où elle est intéressante, c'est que elle mobilise aussi des ressources institutionnelles pour réguler le plateforme. Elle s'articule avec une activité syndicale, comme chez Mansakas avec Rider por Derechos, tout en continuant à agir pour la cause des livreurs, en fait. Alors, au niveau du travail, au niveau très concret, et après je vais terminer là-dessus, ce qu'on voit, c'est que le travail de livraison, il s'inscrit pas du tout dans le même continuum entre ces deux coopératives. On a d'un côté, du côté des militants, on a des coopératives d'activité du vélo, elles s'inscrivent dans la continuité d'engagement politique, donc d'autres activités militantes, que ce soit pour le vélo ou d'autres mouvements sociaux comme le droit au logement à Barcelone, où une partie des riders de l'équipe militait d'ailleurs comme premier concerné. Et de l'autre côté, en fait, on voit que la livraison, elle s'inscrit dans un tout autre univers qui est celui donc des pratiques quotidiennes, mais aussi des pratiques sportives ou des pratiques alternatives qui sont liées au vélo, ce qu'on appelle la mess life, la messenger life, et qui sont par exemple la participation à des allées, à des courses urbaines, sauvages, où on va mettre à l'épreuve son goût du risque, mais aussi son sens de l'orientation. Ça, c'était une autre partie du terrain que j'ai faite, qui était assez sympa, avec là une dimension extrêmement genrée, par contre. Ça, c'est aussi important de le souligner. Alors, tout, là, ce que je vous présente, hein, entre le schéma où je me suis trompé, c'est extrêmement schématique, hein, parce que, évidemment, la réalité, c'est des idéotypes, hein, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, la réalité est beaucoup plus fine et complexe. Au niveau des statuts, on a des coursiers qui sont multipositionnés, on a, par exemple, dans les coopératives plus entrepreneuriales, on a des coursiers qui sont encore pour les méga-plateformes et qui travaillent aussi pour les coopératives, qui naviguent entre les deux. Au niveau du contenu de l'activité, il y a des coopératives qui font beaucoup de derniers kilomètres, mais aussi un petit peu de livraison de repas à domicile, ce qui d'ailleurs suscite des conflits d'agenda, parce que quand une commande tombe en plein milieu d'une tournée, bah, c'est compliqué. Et les coopératives ne sont pas non homogènes, en fait. Il y a d'anciens coursiers, ce que je vous disais au début, qui ont fait les frais des plateformes, il y a des novices de la livraison qui ne sont pas spécialement au courant de cette histoire. Il y a des slashers, donc des pluriactifs qui sont très politisés, et ça s'inscrit donc dans, par exemple, des photographes, des clowns, des journalistes qui vont faire ça comme une activité parmi d'autres. Il ne faut pas non plus homogénéiser CoopCycle, ce que je disais au début, qui prend aussi en charge tout un travail de politisation, qui produit un discours, qui diffuse un discours de politique en interne, donc très anticapitaliste, axé sur la lutte pour la cause des riders, et aussi en externe, en organisant des campagnes. Par exemple, récemment, il y a une campagne contre Amazon pour changer les modes de livraison. Donc tout ça pour dire que les conflits qu'on peut observer, enfin les conflits ou les tensions du moins qu'on peut observer à l'échelle locale, à l'échelle de la fédération, c'est pas juste des conflits pour dire bah voilà, faudrait développer telle fonction sur l'application, ce qui est très important aussi, mais ça tient aussi à des visions politiques différentes qui circulent dans la coopérative et dans la fédération. Avec une tendance plus anarchiste, une tendance qui est plus dans une stratégie de sécession, d'auto-organisation, et une tendance qui serait plus socialiste, qui mise plus sur la resocialisation du travail, et donc qui est plus dans une stratégie symbiotique, et qui essaye plus de mobiliser aussi les institutions. Tout ça pour dire, alors ça j'ai repris un vieux mot qu'on avait utilisé avec des camarades d'un centre de recherche sur l'utopie, qui était de passer du TINA au TAMA, de « there is no alternative » à « there are many alternatives », pour dire que même au sein en fait, d'une seule alternative, bah, il y a beaucoup d'alternatives, et que cette utopie, elle tire sa force probablement de son caractère réticulaire, du fait qu'elle est en réseau, mais elle tire aussi sa force des conflits qui la traversent et qui en fait bah, attestent, à mon sens, de sa vitalité. Merci.